bienvenue. Nous entrons dans le deuxième studio cosmique à l'heure où le New Space veut faire rentrer l'aventure spatiale dans une ère démocratique après plusieurs décennies où il fallait être un héros de l'humanité pour prétendre habiter un vol spatial. Une question semble ressurgir avec un parfum peut-être nouveau. Qui est éligible pour aller dans l'espace? Dans ses textes pour la revue Espace, Nathalie Blanc a imaginé que des animaux arrivent dans l'espace alors que leur gabarit n'a jamais permis de l'envisager sérieusement jusque-là, mais aussi des corps célestes où il est possible de réaliser des ambitions plus personnelles, d'accomplir une quête intérieure pas toujours très utilitaire, voire pas du tout rentable. Est-ce possible si le voyage spatial impose des épreuves physiques, psychiques? Qui sont ceux qui peuvent vraiment se porter candidat? En quoi ces critères de sélection font des cobayes plus ou moins fiables? Bonjour Nathalie Blanc. Bonjour. Avant d'engager la conversation, on pourrait dire un mot des conditions de possibilité pour que cette conversation prenne une certaine hauteur. Qu'est-ce qui peut garantir que notre discussion va décoller? Oh, c'est une bonne question. Notre légèreté, peut-être. C'est une question de gravité, l'espace. Donc, soyons légers. Et de ce point de vue-là, effectivement, les espèces éligibles à ce décollage sont forcément légères. Donc, il faut viser d'abord les gens légers pour envisager et caster pour ceux qui pourront partir. Alors justement, dans un esprit de passage de témoin, on a demandé à Frédéric Ferrer, le précédent invité du Studio Cosmique, de vous dispenser un conseil. Le conseil que je lui donnerais, c'est, mais je la connais pas, Nathalie Blanc, mais ce serait de s'affranchir, plus il y a de problèmes, plus il y a de problèmes. C'est métaphysique, là, pour le coup. Eh bien, je vais essayer de prendre son conseil et de ne pas l'écouter. Donc, de ne pas en faire un problème de ce conseil. Parce qu'à l'écouter, c'est déjà un problème. On a beaucoup parlé des histoires de boucles avec lui, le fait que des problèmes génèrent d'autres problèmes qui amplifient les problèmes, c'est des problèmes qui vous regardent. Oui, on pourrait dire aussi que des récits engendrent d'autres récits sans être pourtant des problèmes. Est-ce que vous êtes sujette au vertige? Absolument pas, j'ai aucune vision du relief. Ah oui, pour de vrai. Donc, oui, pour de vrai. Et la première fois que j'ai vu le relief, ça a été un étonnement après une opération tout à fait sérieuse. Et je me suis dit, oula, ça c'est des choses à ne pas garder. Donc je ne le vois plus. Alors on pourrait avoir d'autres formes de vertige, par exemple le vertige devant tout ce qu'il y a à dire. Le vertige, non, il suffit de mettre un pas devant l'autre. Et pour le coup, ça rejoint une autre conversation, ne pas aller trop vite, ne pas se projeter en avant trop loin. Et du coup, avancer sûrement un pas après l'autre, c'est un positionnement pragmatiste d'une certaine manière. C'est-à-dire qui dégage de l'expérience faite à chaque pas quelque chose qui lui permet d'aller jusqu'au prochain. Mais si on fait ça, on ne prend pas trop de hauteur? Ah, ça dépend de ce qu'on appelle hauteur. Alors, j'avais imaginé comme ça un récit qui a été publié sur le ver de terre. J'imagine qu'il est d'une certaine manière en hauteur. Enfin, il est vide sous terre. Je vous invite d'ailleurs à lire le texte de Darwin sur les vers de terre et la manière dont il passe du bas du sol en haut du sol et dont il contribue de cette façon-là, finalement, à renouveler à la fois le sol et ses nutriments. La hauteur du ver de terre, c'est quelque chose qui peut être discuté. Puis un des récits que j'avais fait, c'est si tous les vers de terre fuyaient pour l'espace, est-ce que ça ferait autant d'étoiles filantes? C'était une vraie question et qui n'a pas été vraiment prise au sérieux, à vrai dire. C'est-à-dire là où on n'a que trop l'habitude de considérer le ver de terre dessous, vous l'avez considéré dessus? Je l'ai considéré comme étant à la fois le sujet et le support, on peut dire. En tant que le sujet est un support, le ver de terre devenait un sujet, à savoir se plonger dans la tête d'un ver de terre. Alors, je sais que c'est difficile, hein, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir imaginer ce qu'est d'être un ver de terre. Hein. Mais par exemple, si on essaye de réfléchir à comment le ver de terre perçoit-il l'espace de la lumière? Comment fait-il pour aller au sommet de la couche de terre et non pas rester en profondeur? C'est une question qui est à poser aux vers de terre, bien évidemment. Et du coup, j'imaginais que tous les vers de terre, furieux d'être à ce point-là méprisés par les êtres humains, à coups de pesticides et de pas trop lourds, à défaut de légèreté, eh bien, s'enfuyaient pour l'espace et allaient le coloniser. Mais au final, ils revenaient et puis ils se plantaient la tête la première en terre et ça faisait Stonehenge. Donc, il y avait une espèce comme ça de retour un peu hypothétique. Mais alors, quand on se pose des questions comme ça, on doit forcément s'équiper de quelques qualités pour pouvoir apporter des réponses. Vous avez comme point commun avec notre précédent invité, Frédéric Ferrer, d'être géographe de formation. Mais à la différence de Frédéric Ferrer, vous avez poursuivi une carrière de géographe au sein du CNRS. Vous passez donc beaucoup de temps à penser l'espace, à réfléchir à la manière dont on évolue notre pensée de l'espace. Et alors, quand vous intervenez dans la revue Espace, c'est plutôt en tant que poète. Si bien que quand vous vous questionnez comme ça, à faire des expériences de pensée sur la perception du monde par les vers de terre, vous répondez en tant que géographe et en tant que poète en essayant de donner la même réponse avec les deux qualités ? Oui, absolument. Parce que je pense que les défis qui nous appellent au futur, écologique notamment, obligent à se déporter de manière assez systématique, même dans des zones tout à fait inconfortables. Et à vrai dire, sur cette question de se penser vers de terre ou se penser... Moi, j'ai travaillé... Ma thèse était sur le cafard. Je venais des Beaux-Arts. Donc, j'ai travaillé sur le cafard. Déjà, c'était un premier déport. Donc, je me suis mise à la place des cafards puisqu'il fallait être sous le frigidaire. Pour être un cafard, il faut savoir être derrière une cuisinière, sous le frigidaire. Et pourquoi c'est nécessaire de se mettre derrière le frigidaire, si j'ose dire, hein, c'est parce que je travaille avec des gens qui sont spécialistes de l'éthologie de ces espèces. Donc il faut savoir penser avec l'animal pour voir comment éventuellement arriver à le contrôler. Donc ça, ça a été un premier déport. Mais on le connaît bien d'ailleurs dans les études qui intéressent l'éthologie. On parle de multispecies study, c'est-à-dire l'étude multi-espèces, et on essaye de voir ce que ça fait d'être dans les yeux d'un autre porteur d'intérêt, disons-le comme ça. Mais alors souvent on parle du loup et moi systématiquement ben, je continue sur tout ce qui est nuisible, déprimant et déprimé, comme les cafards, les vers de terre, enfin un certain nombre d'espèces qu'on a pris l'habitude de chasser, qu'on a pris l'habitude d'éradiquer, voire d'exterminer. Donc, et d'ailleurs, c'est par la maîtrise de l'espace qu'on est arrivé à les exterminer, c'est la mise au point des gaz et donc la maîtrise de l'espace qui tue, qui a permis d'éliminer des populations entières d'animaux. Donc on est vraiment là sur la question de la maîtrise de l'espace. L'espace, pour un géographe, c'est toujours plus ou moins une question de paradigme. Et depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a bascule du paradigme. Oui, tout à fait. En fait, mettons que dans la période d'après-guerre, enfin, la géographie, pour dire vite, c'était l'étude des relations au milieu de vie par des populations humaines au milieu de vie. Et puis après l'après-guerre, eh ben, on a parlé d'espace au sens géométrique et abstrait. On s'est intéressé aux effets de distance, aux effets géométriques, aux effets d'espace au sens où on l'entend sur le plan mathématique d'une certaine manière. Et puis, à partir des questions environnementales dans les années 70-80, eh bien, un retour d'un espace plein, un espace plein de corpuscules, un espace qui est un milieu de vie. C'est-à-dire que maintenant, on considère, et c'est ce que je dis à mes étudiants quand ils me disent « mais les déchets, on n'a qu'à les mettre dans des espaces vierges ». Et je leur dis « mais ça n'existe pas, un espace vierge. C'est une conception humaine. Un espace, c'est du plein. Et c'est du plein à toutes les échelles. On peut le penser, par exemple, vous connaissez le tardigrade, j'imagine. Le tardigrade, cette espèce d'animal micrométrique qui ressemble à un petit ourson. Le tardigrade, c'est le marcheur lent. Qui vit où ? Alors, il vit dans les espaces interstitiels, hein, mais il vit même dans les espaces, on en a retrouvé dans l'espace, au sens là, non pas métaphorique, mais littéral. C'est un animal qui peut survivre dans des conditions en hibernation pendant des siècles, sans avoir besoin de se reproduire ou de conditions où il est pratiquement indestructible. Il peut avoir une vie extraterrestre sans problème. Sans problème. Il est merveilleux, d'ailleurs. Nathalie Blanc, qui sont ceux qui partent des fuyards ? Qui sont ceux qui partent ? Bien, c'est vrai que là, d'un point de vue écologique, on pourra avoir une espèce de critique de la domination, absolument. C'est-à-dire de dire que ceux qui vont partir seront ceux qui auront les moyens de partir, puisque aujourd'hui encore, ça coûte cher de partir. Alors, est-ce qu'on peut imaginer autre chose ? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, un low-tech spatial ? Pour l'instant, le low-tech spatial, c'est comme le low-tech tout court d'ailleurs, on a encore du mal à arriver à penser ce que pourrait être une soucoupe confectionnée au fond de son jardin et qui permettrait, à force de déploiement de technologies encore largement à imaginer, de partir tout seul sur une autre planète, et laquelle, pour le coup, puisque, en fait, tous les récits de science-fiction montrent que c'est forcément l'armée et forcément des pionniers liée à ces modes de déploiement qui seraient sur les espaces, et sur ces planètes non terrestres et qui permettraient de les habiter. Alors, je sais, dans le champ de l'écologie, on parle de terraformation. Ça, c'est une chose. Il y avait d'ailleurs les récits de science-fiction de Kim Stanley Robinson où il y avait trois périodes de terraformation qui consistaient finalement à faire d'une planète quelque chose qui ne serait plus étranger, mais proprement habitable par les êtres humains. En la façonnant pour la rendre habitable, voilà. Alors qu'elle n'est pas à la base. Voilà, c'est ça. Alors, ça engage toute une ingénierie écologique où on se dit il va falloir mettre de la terre, etc. Mais à la base, qui déclenche ces grands travaux de terraformation, c'est rarement le quidam, c'est-à-dire rarement moi, quoi. Donc, on en est laissé aux expériences de pensée pour pouvoir voyager sur d'autres planètes, et notamment avec des récits de science-fiction qui ont permis ces déplacements. C'est... À vrai dire, c'est quelque chose de très important que les récits de science-fiction, du point de vue de ce qu'ils permettent en termes d'expérience de pensée et de déplacement. C'est-à-dire quand on est sur la ligne de départ vers l'espace, tous les vivants ne sont plus de la même famille. Non. Après, il y a des vivants qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que j'imagine que dans les vols habités, il y a des tardigrades, par exemple. Invisibles, certes, mais présents, ou des microbes, ou d'autres formes de vivants qui sont à l'intérieur des organismes. Il ne faut pas oublier qu'on habite à toutes les échelles, donc, ou qu'on est habité également. Ce n'est pas pour échelles. Autant des squatteurs. Ça dépend ce que vous appelez un squatteur. Je sais pas. Un parasite, un symbiote. Enfin, il y a toutes sortes de... On cohabite. Un non-invité, quoi, qui est là quand même. Je tends à considérer qu'on... Enfin, il y a de l'invitation, si vous voulez, mais il y a aussi des personnes, pour utiliser ce mot, même concernant mes bactéries, enfin, des êtres, disons, qui, avec lesquels j'habite et qui ne sont ni des squatteurs ni des invités. Ils sont là. Mmh. Quand on va dans l'espace ou quand on choisit quelqu'un pour y aller, on fait attention à ce que ce soit quelqu'un qui est peut-être assez susceptible d'y survivre. C'est vrai que c'est une question à laquelle... Mais après, survivre dans l'espace, encore faudrait-il être sûr de maîtriser toutes les conditions auxquelles on survit. C'est-à-dire que savoir à quelles conditions on survit, du coup, ça nous obligerait à trier. À vrai dire, c'est pour ça, je pense, que l'idée de terraformation a connu ses grandes heures, puisqu'on emmène dans l'espace toutes sortes d'organismes qui ne sont pas forcément appelés à survivre s'ils n'étaient pas cultivés, s'ils n'étaient pas engendrés à force de terraformation. Donc non, je ne pense pas comme ça. Je pense qu'on essaye et puis après on voit. C'est plus ou moins réussi. Nathalie Blanc, dans le numéro 12 d'Espace, vous avez publié Chafouine au pays des vaches. Vous mettez en scène des vaches, ou plutôt vous vous plantez devant elles et vous demandez ce qu'elles pensent. Question qui, tout de suite, a le mérite de vous sortir de la situation par défaut des chercheurs contemporains qui, globalement, sont surtout affairés. Ben, je traduis ça comme une sorte d'affairement. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de la manière dont la vache pouvait lier amitié au sein d'un troupeau, par exemple ? Et de la manière dont ça forme finalement des connivences au sein de ce troupeau qui est constamment démantelé au fur et à mesure des opérations agricoles. Donc effectivement, je ne suis pas affairée en ce sens, affairée par ailleurs, hein, mais je tente à penser que se poser ce genre de questions, au-delà de m'amener à léviter proprement au CNRS, pour utiliser ce terme, ça m'amène aussi à être capable de renverser des problèmes, sans faire écho à mon prédécesseur. Donc, c'est-à-dire poser le problème à l'envers. Alors, la vache, de ce point de vue-là, elle occupe beaucoup nos paysages. Il faut savoir qu'en temps, puisque j'avais publié en 2000 le premier livre sur la question de l'animal en ville, en commençant par le cafard, à vrai dire, puis après le rat, le pigeon, enfin toutes sortes d'animaux qui peuplent les sous-espaces. Parce qu'il faut savoir que les espaces aujourd'hui qui sont les plus habités, c'est ce qu'on appelle les biomes intérieurs. C'est-à-dire que l'être humain construit des espaces intérieurs de manière permanente, y compris sur ces planètes, d'ailleurs, puisqu'il est incapable d'habiter les extérieurs. Et pour le coup, ces animaux qui sont présents obligent à penser également voilà, ces espaces en question de façon tout à fait autre. Voilà, je sais plus, j'ai un peu perdu le fil de moi-même. On va le retrouver puisqu'on va aller en 1961 où depuis la base saharienne d'Amaguir, des fusées sondes de la famille Véronique ont permis de lancer en basse atmosphère le rat Hector, la chatte Félicette et le macaque Martine pour commencer ce premier envoi dans l'espace d'un être vivant par une fusée française. Vous allez entendre le médecin général Robert Grandpierre du CERMA et pouvoir constater que l'humeur était joviale. La fusée est en effet bien partie ce matin à 8h. Avec un rat. Avec le rat, un des rats qui avait été choisi, n'est-ce pas ? Il y en avait un certain nombre qui attendaient, les essais avaient été faits hier. Oui. Et on en avait sélectionné un parmi ceux qui étaient là. Oui. Alors l'expérience a eu lieu, avec un petit peu d'émotion de la part de tous ceux qui avaient participé à la préparation en se demandant si ça allait vraiment réussir, car on avait tout de même déplacé pas mal de gens et fait travailler beaucoup de monde. Bien sûr. Et il semble que ça ait parfaitement réussi. À quelle altitude, puis-je vous demander à quelle altitude est montée cette fusée ? Je ne peux pas vous dire exactement, je ne peux pas vous donner exactement de détails que je n'ai pas, parce que la trajectoire va être étudiée maintenant, et nos tracés physiologiques aussi. Oui. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'à un moment, les repérages ont annoncé 130 km et qu'elle n'était pas encore tout à fait à l'apogée. Je ne sais pas exactement à quel moment. Elle était prévue pour 100, au maximum 180. Oui. Et je ne sais pas exactement. Et puis elle est retombée, la pointe s'est séparée à ce moment-là avec l'animal. Oui. Elle est retombée, le parachute a bien fonctionné, tous les parachutes ont fonctionné les uns après les autres. Oui. Et l'animal, on entendait encore très nettement la respiration et le rythme cardiaque de l'animal au sol. Oui. Et pendant la période de non-gravité, les périodes d'accélération, il y a eu des résultats qui sont intéressants et qui sont à dépouiller. Oui. L'animal a-t-il été récupéré ? Oui. Au moment où je partais, car j'étais obligé de partir un peu plus tôt, l'hélicoptère était en train de le ramasser. Oui, c'est cela. Quel était le but de l'expérience exactement ? Eh bien, c'était surtout d'étudier l'orientation en vol, au cours du vol, l'orientation et l'équilibration de l'animal. C'était extrait de l'album L'Aventure Spatiale paru chez Frémaux grâce au partenariat de l'Observatoire de l'Espace avec l'INA. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la question de la souffrance animale n'est pratiquement pas soulevée. Est-ce qu'il faut se réjouir que cette ambiance de réjouissance soit révolue ? Écoutez, c'est exactement ce que je me disais. C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'intervieweur pose la question est-ce que l'animal était heureux de son vol dans l'espace ? Alors, c'est vrai que se poser la question pour un rat, l'autre aurait pu répliquer, mais à quoi j'aurais pu juger du bonheur du rat ? Alors, est-ce qu'un rat rit ? Je ne sais pas, mais bon. Enfin, la question, en tout cas, aurait eu le mérite d'être posée. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que sur cette question du bonheur animal, on se pose beaucoup de questions, et pas seulement dans les abattoirs. Hein, on se pose beaucoup de questions. Alors là, il s'avère que je travaille sur la conservation et l'adaptation assistée des espèces. On déplace des espèces d'un espace à un autre, en espérant que les changements climatiques n'en fera pas la peau trop tôt, d'une certaine manière. Et on se pose la question, à quelles conditions doit-on assurer la reproduction de cette espèce ? Finalement, si ça ne fait pas le bonheur des individus, est-ce que ça vaut la peine d'assurer la conservation de l'espèce ? Si la grue américaine, dont je vous parlais tout à l'heure, n'est pas heureuse du fait de devoir tomber amoureuse d'un être humain pour produire des œufs fertiles, est-ce que ça vaut la peine de reproduire l'espèce grue américaine sur le territoire américain ? Alors, à vrai dire, il n'y a pas une réponse, il y a des réponses, bien entendu, mais c'est vrai que cette question du bonheur animal, et à quelles conditions doit-on assurer la reproduction des espèces, à quelles conditions éthiques, elle est une vraie question devant nous. Au sein du comité de la rédaction de la revue Espace, on aime faire circuler les questions et Karine Serre a bien voulu répondre à cette question. Croiser une vache est-il la preuve qu'on est sur la fausse route ? Voici sa réponse. Non, au contraire. Croiser une vache dans l'espace, c'est le signe qu'on est sur la bonne route. Rappelez-vous le cri de Valentina Tereshkova par radio à son collègue Bykovsky en 1963, dès sa première orbite. « Oh, tchort !» qu'on peut traduire par « Oh la vache !» Et plus récemment, en 2018, le phénomène lumineux détecté par la mission Atlas à Hawaï. La naissance de l'étoile à neutrons ou d'un trou noir, baptisé AT-2018-COW. De chaos, la vache. Ça m'évoque les mots de Nathalie Blanc aussi. Les vaches gueulent toutes repliées, sauf qu'on ne sait pas ce qu'elles pensent, c'est là le mystère. Et je dois parcourir encore et encore le pays des vaches. Et si je dois célébrer les vaches maintenant, et leur tête cornue, leur aspect têtu, leurs yeux aveugles mais placides, leurs orbites, leurs bouses sous forme de disques stellaires. Et puis n'est-il pas temps de trouver la source de la Voie lactée ? Oui, qui n'a pas joué au frisbee avec une bouse de vache séchée. Qui est une expérience spatiale Très particulière, il faut savoir lancer. Ça pose des questions d'échelle, en tout cas. Oui, oui, tout à fait. La question principale, c'est... Alors, ça renvoie à plusieurs choses. Alors, d'abord, se mettre à plat ventre sur l'herbe. Et puis, se poser la question de peut-on devenir myope ? C'est-à-dire, est-on capable de jeter un peu de trouble dans son propre regard ? Alors moi, il s'avère qu'étant amblyope et très myope, je n'ai pas eu ce souci, donc c'était naturellement posé, et que du coup, je vois des espèces ou des fourmillements à des endroits où personne ne verrait rien. C'est un avantage de naissance. À vrai dire, j'ai souvent pensé que Lewis Carroll, quand il faisait qu'Alice tombait dans le trou, était très proche de ce vertige, c'est-à-dire de pouvoir finalement scruter en profondeur des grains micrométriques. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a une question d'échelle. Et ça rejoint le cafard, hein, qu'il faut le voir en dessous. Faut être capable aussi d'être impressionné par ces animaux qui sont à ces échelles-là. Là, travaillant sur les insectes, hier j'étais devant une mare à Montpellier où on regardait des choses totalement micrométriques se déplacer dans l'espace de la mare, hein, et puis à des échelles effectivement où on se pose la question immédiatement, mais ce diptyque, qu'est-ce qu'il peut manger étant si petit lui-même ? Et en fait, derrière, il y a toujours plus petit et donc à manger. Donc ça renvoie constamment à des questions d'échelle. Alors pour ce qu'on appelle en géographie les petites échelles, ce que beaucoup considèrent comme étant les grandes échelles, donc l'échelle planétaire par exemple, pour les géographes c'est une petite échelle, eh bien à ces échelles-là, la seule chose qu'on arrive à penser, c'est la Terre saisie comme un ensemble. Et pour le coup, ça renvoie aux photos prises de l'espace, forcément. C'est aussi l'idée selon laquelle tout d'un coup la Terre fait unité, et non plus pluralité. Et du coup, c'est une idée un peu dangereuse. C'est une idée dangereuse parce qu'elle a tendance à effacer que sous ce globe, eh bien, il y a des modalités d'existence aussi variées que d'échelles d'existence. Donc je crois que c'est quand même important à souligner que le regard de ce point de vue-là, qui renvoie à l'échelle, peut être sacrément trompeur. Précisément, voici une image, Blue Marble, 1972. Pour la première fois, l'humanité peut embrasser la Terre d'un seul regard, dans un seul cliché photographique. Et alors, ça change quoi ? Eh bien, ça change, c'est ce que je disais, l'idée de la Terre comme totalité. L'idée qu'on peut la saisir comme la main aussi, un peu une bille, Blue Marble, la bille bleue. Et un peu cette idée dangereuse que, puisqu'on peut la saisir par le regard, cette Terre, eh bien, on en arriverait à maîtriser les conditions écologiques. Et on en a parlé souvent, hein, en ce qui concerne, par exemple, le fait de pouvoir jouer sur les conditions atmosphériques pour changer la question climatique. Ça a été joué quand il y a eu des explosions nucléaires avec Tchernobyl, par exemple, le nuage radioactif. On a envoyé dans l'espace, pour stopper le nuage radioactif avant Moscou, c'était, je ne sais plus, du mercure, du plomb. Je ne sais plus ce qu'on avait envoyé pour faire redescendre ce nuage. Donc il y a cette idée-là, avec cette Terre, que, eh bien, on arrivera à en maîtriser les conditions de vie et de survie. C'est-à-dire que l'image crée le fantasme de géo-ingénierie, en quelque sorte. Je trouve que l'image crée le fantasme de géo-ingénierie, tout à fait. Mais elle est quand même rassurante sur un point, c'est d'imaginer que ceux qui ont quitté la Terre, ici temporairement, se retournent et nous regardent. Est-ce qu'ils nous regarderaient vraiment ? Ah ! Et puis, est-ce qu'ils nous voient ? Est-ce que voir la Terre, c'est voir des êtres humains ? Donc il y a des questions de ce type-là qui se posent. En fait, la vision de la Terre vue de l'espace, c'est toujours amené comme une image rassurante. C'est-à-dire que quelque part dans l'espace, il y a un endroit qui est habitable. Dans tous les films de science-fiction, cette idée, oh, je me retourne, je vois la Terre, mon foyer, d'une certaine manière. Et on peut imaginer aussi que cette Terre soit plutôt angoissante à voir. Et pour le coup, dans un des récits de science-fiction récemment publiés, en fait, la Terre est laissée derrière, dévastée, et du coup, partir dans l'espace, c'est pas pour revenir, c'est dans une hypothèse de fuite, effectivement. Et pour le coup, la vision de la Terre renvoie plutôt à ce qui a été moralement compromis. Mais est-ce que, en envoyant des humains dans l'espace, on redoute quand même qu'à un moment donné, ils nous voient plus ou ils nous oublient ? Oui, ça, c'est très clair. On redoute l'idée de sécession, qui est des fédérations spatiales avec quelque part des espèces de mode de vie et d'existence qui n'aient plus rien à voir avec les nôtres. En vérité, on le redoute déjà à partir de l'imaginaire des extraterrestres. Donc on n'a pas besoin de partir nous-mêmes dans l'espace pour redouter ou avoir peur. Il y a une question qui se pose, c'est pourquoi a-t-on peur de l'espace ? Et à vrai dire, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. On discutait de la question de la peur, mais pourquoi cette question du vide spatial renvoie à de la peur et pourquoi la vision de la Terre ne renvoie pas à de la peur, étant donné ces conditions écologiques ? On peut effectivement mettre en parallèle ces sentiments liés à ces visions-là. Dans la revue Espace, vous avez proposé un autre texte dans le numéro Tumulte. Je vous lis un extrait. J'embarquais aujourd'hui, j'étais donc là dans la queue, je patientais mais je me rongeais les sens, j'allais loin, très loin même. Des rangées de pavots fixes qui me fixaient, des fleurs à tout prendre mais comme des êtres, leurs murmures m'envahissaient, j'avais été prévenu mais comme d'habitude je n'avais pas fait attention, j'étais seul à l'atterrissage, j'avais été seul au décollage, sur cette planète d'extraterrestres, isolée, je me retrouvais à contempler les fleurs. Oui, c'est vrai que... Si vous regardez dans les yeux un coquelicot, par exemple, avec le cœur noir au centre, il y a dans cette fleur un potentiel de peur, un potentiel aussi d'adresse. Je ne sais pas, d'aucun de nous parle aux plantes, on croit que c'est rare et que certains de nous parlent juste aux animaux, à vrai dire. Et là, c'est mon métier de géographe qui me mène à dire que beaucoup d'entre nous parlons aux plantes, aux fleurs. On les caresse même, pour certains d'entre nous. Puis le nombre de personnes qui me disent « Ah oui, tes fleurs sont belles ou tes plantes sont belles chez toi, c'est parce que tu dois en prendre bien soin », voulant dire que tu t'en approches, tu leur parles. Eh bien, c'est la même chose avec ça. Seulement, là, j'ai imaginé que sur cette planète, les fleurs me regardaient et quelque part, je perdais pied face à elles. Je me retrouvais dans cette position où, effectivement, je donnais du pouvoir à la fleur sur moi. Eh bien, nous avons retrouvé le témoignage de l'une de ces fleurs. C'est une exclusivité pour le Studio Cosmique, une traduction de Claire Gauss. Tout ce qui compte pour nous, c'est purement et simplement la beauté de la planète. C'est-à-dire, c'est vraiment d'avoir simplement les fleurs. Il a fallu énormément de générations, et donc du temps, de la patience et du travail pour parvenir à une homogénéité totale et donc à créer une planète avec uniquement des fleurs. Nous, on est vraiment pour le maintien de la pureté de l'espèce. Donc la biodiversité, c'est vraiment un danger pour nous. C'est-à-dire qu'on est totalement contre et qu'on lutte activement contre les autres espèces pour maintenir les fleurs, tout simplement. Nathalie Blanc, vous avez inventé la planète monoculture, qui est donc anti-biodiversitaire. C'est vrai que cette planète, je l'imaginais dotée d'une seule fleur, rouge et noire, éventuellement bleue par certains endroits, puisque la question de la couleur est évidemment très importante quand on parle de fleurs, mais un peu monoculture. C'est-à-dire qu'il y a des fleurs qui font moins peur que d'autres. Il y a des fleurs qui font franchement peur, mais il y a des fleurs qui font moins peur que d'autres. Il y a des fleurs qu'on n'arrive pas à voir, tant elles sont de la même couleur, par exemple, que le feuillage autour. Donc il y a toutes sortes de fleurs. Les autres espèces imaginent la biodiversité comme un problème colonial, en fait. Je ne sais pas si elles imaginent la biodiversité. De fait, la biodiversité, c'est-à-dire la diversité spécifique, génétique, écosystémique, etc., c'est plutôt une condition de survie pour un ensemble, plutôt que quelque chose qui serait un problème uniquement colonial. Du coup, ça a été posé un peu à l'inverse. On aurait dû le poser. Et aujourd'hui, pour qu'un système de vie soit autonome, il faut qu'il soit biodiversitaire. Autrement, il ne sait pas se reproduire de manière... La monoculture, c'est une invention des êtres humains parce qu'ils sont là pour entretenir cette, comme le dit d'ailleurs l'extrait, ils sont là pour entretenir le fait que ça soit monodiversitaire, on va dire ça. D'où la question à Karine Serre, l'espace est-il une chance pour la biodiversité ? Oui. Tout comme il a été une chance pour la création musicale en général, et le hard rock en particulier, avec la description de la ceinture de Van Halen en 58 par exemple, vous vous rappelez ? Je pense que l'espace est une chance pour la biodiversité. Il va nous permettre d'élargir cette biodiversité terrestre à toutes les formes de vie que nous allons trouver ailleurs que sur Terre. Et surtout de développer des interactions nouvelles avec elles. D'ailleurs, via les recherches d'entomoculture des simulations martiennes, l'espace nous permet déjà de développer de meilleures interactions avec le peuple Tenebrio Molitor. Les vers de farine, vous savez. Ça, c'est... Autant j'aime bien les vers de terre, autant les vers de farine, c'est plus problématique. Ah oui ? Ouais. Pourquoi ? Ouais, c'est une question de couleur. La chair du vers de terre est rose et plutôt agréable à voir. La chair du vers de farine est blanche et plutôt cadavérique. Donc c'est vraiment une question de couleur. D'ailleurs, beaucoup de choses sur cette question des espèces ramènent aux couleurs. Hein. Mmh. Je veux dire, une vache, c'est agréable parce que ça peuple un paysage de vaches, de taches. Vaches, taches. Et puis après, d'autres animaux, comme le cafard, ramènent à des couleurs qui sont moins appréciées. Donc voilà, tout est question de couleur. Donc vous n'hésitez pas à penser la désirabilité des espèces une par une sur des critères esthétiques, en même temps que vous posez que la question esthétique se commue au contact de toutes ces espèces. D'une certaine manière, esthétique, pour moi, c'est fondateur. C'est, d'abord, on sent. D'abord, toutes les entités sentent. Je veux dire, on peut même élargir, la pierre sent d'une certaine manière ce qui va. Donc cette activité du sentir, elle ne doit pas être réduite à ce qu'on a bien voulu en faire, c'est-à-dire une affaire de sujet humain. C'est une affaire beaucoup plus large d'échange entre de la matière animée, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Donc oui, sentir et... Votre question, déjà ? Était de savoir comment le contact avec toutes ces espèces vient modifier ce qu'on considère comme esthétique, comme agréable à sentir, donc. Ça nous oblige à un peu de décolonialisme, déjà, ça c'est clair. C'est-à-dire que se dire qu'un ver de terre sent, ou de se dire qu'il y a d'autres formes d'existence qui sont aussi sensibles, ça nous oblige à un peu amoindrir nos prétentions en matière de sensibilité, donc d'esthétique, et de capacité de comprendre ce qu'est l'esthétique, par exemple, de la tique. Si on prend la tique, qui a été un modèle dans l'éthologie fameux, puisque la tique, ce qu'elle sent, c'est la chaleur. Et elle sent la chaleur de la vache qui passe. Donc, d'une certaine manière, son monde esthétique est très réglé. Alors, peut-être... Certains diraient qu'il est beaucoup moins riche que le nôtre, mais après tout, qui est-on pour juger de la richesse de l'esthétique de la tique et de la comparer à celle de la vache, ou encore d'y mêler d'autres formes de vie ou d'existence qu'on a du mal à envisager. Oui, alors du coup, se déplacer en termes esthétiques, c'est peut-être le premier enjeu des expériences de pensée. C'est vraiment crucial d'essayer de faire varier dans sa tête ce qui est sensible. Mais pour ça, je rejoins là Montaigne qui disait pour juger de la maladie, il faut avoir été très malade. Je pense qu'effectivement, il faut un peu arriver à se changer l'intérieur du corps et puis voir ce que ça donne pour arriver à essayer d'imaginer ce que ça pourrait être d'être un cafard ou d'être un ver de terre ou d'être malade ou d'être une pierre. Ou de penser comme la montagne, comme le disait Aldo Léopold en parlant de la protection d'une montagne entière. Mais si l'esthétique de la tique est question de chaleur, ça voudrait dire qu'une canicule peut nous aider à faire comprendre l'esthétique de la tique ? Ah, je ne sais pas, parce qu'une canicule, c'est tout l'air ambiant, alors que la vache, elle passe juste dessous, donc c'est un signal dans l'espace. Tandis qu'une canicule, ça prend l'espace en entier, donc ce n'est plus un signal. Mais vous dites que le climat tempéré, c'est une norme et que ça suppose ce qu'on va définir comme une population viable et que par conséquent, si on change de planète, ça change tout. Ça, c'est quelque chose qu'on voit et que les gens ont du mal à comprendre sur la question du changement climatique, c'est que c'est beaucoup plus sérieux que ça n'a l'air. Alors déjà, ça a l'air très sérieux, hein, c'est pas pour dire ça. Mais en fait, changer de climat, c'est changer de culture. Globalement. C'est-à-dire que le climat, c'est ce qui, au 19e siècle, les climats tempérés, etc., nous a permis de définir l'habitabilité de cette planète, les conditions d'existence sur cette planète selon les zones, et puis de dire qu'il y avait de l'exotique quelque part, et puis du tempéré, ce qui était la normale, c'est-à-dire nous, fondamentalement, à partir duquel toutes les autres zones ont été pensées. Et du coup, on est en train de revenir sur ça, bien forcé, puisqu'on se force nous-mêmes à revenir sur ça. Et du coup, il va falloir changer la manière dont on pense même la question des saisons, est-ce que c'est une variation climatique, la manière dont on pense, la manière dont nos corps réagissent à ces saisons, y compris la suée, par exemple, la question de la sueur, qui est centrale hein, pour nos corps et nos façons de penser nos relations à ce qui nous environne, eh bien, elle va être très problématique dans les années à venir, puisqu'on a une montée à la fois de l'humidité et de la température, donc on ne sera plus capable de suer, et avec des risques d'en mourir, bien évidemment. Ne pas suer, c'est avoir un gros problème thermique, de régulation thermique. Donc on voit bien que tout ça est bien relié. Avec Frédéric Ferrer, au cours du premier épisode du Studio Cosmique, on avait fait un entretien microgravitaire, mais avec tout ce qu'on vient de se dire, on va faire ensemble l'inverse, à savoir un entretien hypergravitaire. Donc, encore plus au ras du sol que ras des pâquerettes. Depuis quand est-ce que la taille de l'univers vous écrase ? Oh, depuis toujours. Je pense que j'ai toujours eu envie d'avoir la tête sous terre, à vrai dire. C'est peut-être pour ça que je me suis intéressée à tout ce qui rampe, tout ce qui est sous terre et tout ce qui profite. C'est une question de lumière aussi. C'est l'idée de cet espace immense autour de moi, c'est quelque chose qui est assez étouffant. Il faut l'imaginer. Après, c'est un peu curieux peut-être pour quelqu'un qui ne voit pas le relief et qui n'a aucune idée de la profondeur. Quand on rampe, est-ce que l'on saisit mieux les équilibres naturels ? En tout cas, on risque moins de se casser la gueule. C'est la première chose. Donc, ramper, c'est une assurance de pouvoir rester sur Terre, à défaut de rouler bouler. Et puis aussi, c'est une façon d'essayer de tisser ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a au-dessous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, d'essayer de tisser... Et ce qui nous traverse venant d'en haut, avec ce qui nous traverse venant d'en bas, et en constituant par son corps une espèce de couche d'interface. Est-ce que le décompte des étapes s'en trouve facilité ou d'autant mieux indifférent ? Des étapes ? Des étapes de progression dans le chemin ? Rampant, on sent mieux. En fait, y a une grosse différence entre ramper et marcher pieds nus, par exemple, dans l'herbe. Quand on rampe, et sitôt qu'on est un peu dévêtu, ça permet de mieux ressentir, effectivement, toutes les rugosités propres à cette progression. Et je crois que c'est important de les sentir. Dans Un souffle de vie, Clarice Lispector a écrit « Ma question est de la taille de l'univers, et la seule réponse qui répond à ma question est... l'univers lui-même. » Oui, c'est vrai que, alors qu'elle tente d'avaler un cafard, la narratrice de La Passion selon GH, et non pas dans Le souffle de vie, eh bien, elle essaye de voir en quoi avaler un cafard est à la taille de l'univers. Et elle se pose la question de s'agit-il d'avaler le vivant lui-même ? Donc c'est une vraie question. Sentir qu'on avance de partout deviendra plus important que d'avancer beaucoup. Oui, absolument. Ah, ça, je serais totalement d'accord. Il faudrait sentir et se faire sensible partout. Et du coup, ça demande à une espèce d'éveil permanent plutôt que d'avancer vraiment. Sortons alors de cette zone hypergravitaire. Quand on regarde certaines statues de Giacometti qui épousent d'autant mieux l'espace qu'elles semblent chétives, on a l'impression que la fragilité ne va pas sans souplesse, à croire que les corps fragiles font de meilleurs candidats à habiter dans l'espace. Ah, se sentir fragile, c'est une condition pour savoir survivre. Se sentir fragile, c'est savoir où sont ses forces et où sont ses faiblesses. La question, c'est de savoir dialoguer avec son corps et de son corps avec l'environnement, quel qu'il soit. Et savoir se ressentir, c'est savoir aussi traduire des symptômes en troubles, traduire des troubles en éventuelles réponses, y compris en ne rien faire, si c'est ça qui est le mieux. Donc oui, je dirais ça. Dans le cadre des Mardis de l'espace, le médecin de Novspace, Franck Le Haut, expliquait que si l'impesanteur fragilise la résistance osseuse, tout le monde ne réagit pas de la même façon. C'est un enregistrement de 2017. Oui, alors ça, c'est un débat, effectivement, qui fait qu'on n'est pas tous égaux devant la fragilisation osseuse, indépendamment même de la quantité d'exercice physique qu'on ferait chaque jour ou de la ration alimentaire qu'on prendrait. On sait qu'il y a des différences entre individus en ce qui concerne la dégradation osseuse, la fonte musculaire, et qui sont probablement, pour certains, déterminées génétiquement. Et effectivement, on peut envisager, dans l'avenir, pourquoi pas, dans le cadre de missions longues, qu'on pourrait baser au moins une partie de la sélection des astronautes sur leur potentiel génétique, enfin en tout cas ce que nous révélerait l'analyse génétique, à savoir que certains seraient plus résistants que d'autres face aux conditions de l'apesanteur, par exemple sur le système osseux ou le système musculaire. Ah, il a l'air de dire qu'il faut d'abord être fort pour pouvoir partir dans l'espace, ce qui veut dire que jamais j'irai. Bah, en tout cas, si c'est lui qui fait le recrutement, je crois oui, pas. Oui, c'est ça, je suis assez mal barrée. C'est dommage. Et ça vaut psychologiquement ? On a pris l'habitude d'attendre des astronautes une grande stabilité mentale. Vous pensez que c'est un tort ? J'ai tendance à valoriser la souplesse plus que la force. Donc, peut-être une question de genre, puisqu'on parlait de ça, ou une question d'habitude de déplacement. Parce qu'il y a ça aussi. En fait, si je reviens à ces modèles animaux, on peut dire que les espèces qui ont le plus de chances de réussir à l'avenir, les animaux du futur, hein, on avait fait quelque chose autour des animaux du futur, c'est certainement pas le lion, ou des espèces qui sont très spécialisées dans des niches, mais c'est les plus adaptables, celles qui ont la capacité d'adaptation à des milieux différents la plus large. Donc, de ce point de vue-là, c'est d'abord la souplesse qui va faire la force de l'espèce, plutôt que véritablement la force des individus qui sont désignés. Alors du coup, la vache, elle a une bonne résistance osseuse, elle n'a pas une grande souplesse. Non, ça c'est clair. Encore que je ne sais pas, parce que bon. Voici les explications d'Aurélie Collado, qui, soutenue par le CNES, fait des recherches sur les effets de la microgravité sur la relation entre personnalité, état affectif et performance humaine complexe, jusqu'à envisager les prérequis psychologiques de la vie dans l'espace et de ce qu'elle suppose de confinement. Aurélie Collado. Dans l'espace, il y a plusieurs choses. Les plus importantes sont l'isolement, déjà. La famille n'est pas à côté, les amis ne sont pas à côté. Et il y a aussi le confinement. Confinement, rester enfermé dans une capsule de quelques dizaines de mètres carrés avec d'autres personnes. C'est pas facile sur plusieurs jours, ça ne doit pas être facile. Il y a notamment des spationautes qui ont déjà dit que c'était des conditions idéales pour commettre un meurtre. Donc ça refroidit bien les conditions. Puis en plus, voilà, il y a quand même une interaction humaine avec ses collègues, même si on les connaît très bien. Faut se dire que rester enfermé plusieurs jours avec des gens, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Bien, il y a une fuite intérieure qui est toujours possible. Pour quiconque a vécu, alors soit dans l'espace d'un bateau un peu longtemps, soit dans l'espace, soit dans des classes confinées ou dans des groupes confinés pendant des périodes de temps, enfin, la fuite intérieure et la lecture demeurent quand même une capacité à créer un espace intérieur qui, à mon sens, est un des espaces les plus importants qui soit, et de ne pas croire qu'on est juste une personne face à d'autres. On a toutes ces capacités à... Alors, on parle beaucoup de méditation, mais je crois aussi à imaginer ou à développer des récits intérieurs qui permettent de se déplacer dans le noir pendant longtemps, qui permettent d'inventer des façons d'être qui font face aussi au fait d'être dans des espaces confinés avec d'autres. Donc, plus on peut produire d'espace intérieur, plus on peut tenir tranquillement dans une capsule. Il me semble que, en tout cas, c'est une force. Dans le numéro 12 de la revue Espace, vous avez donc publié, je disais tout à l'heure, « Chafouine au pays des vaches », dont je voudrais reprendre les deux premières phrases. Vous écrivez « En l'an 1000, la nécessité de se matérialiser ne s'est pas fait sentir immédiatement. Il a fallu attendre l'an 2000, époque très controversée, au sens où cette époque avait confondu l'espace de sa réalisation et l'ère de sa matérialité, et depuis, c'était passé depuis des incidents, pour que tout cela, entendez par là mes amis et moi, ne tombe pas à l'eau. » Ah, c'est... Bon, disons qu'on a mis longtemps à réaliser qu'on habitait sur la planète Terre, et c'est 1972, la première image qui montre que juste ça ne suffira pas, d'une certaine manière, de prendre conscience qu'on est matériel. Eh bien, ça a mis au moins quelques siècles, voire quelques millénaires, pour prendre conscience de ça, et des limites de la Terre également. Et du coup, ne pas tomber à l'eau à partir de là, ça va être encore à mettre à l'épreuve, puisque rien n'est dit au jour d'aujourd'hui. Mais c'est à se demander si l'an 2000 ne nous a pas forcés à prendre des virages de fait un peu millénaristes, ou plus millénaristes qu'il n'était nécessaire. Certainement plus millénaristes qu'il n'est nécessaire. Après, quand je ne cherche pas à réfuter l'effondrement, si c'est vers cela que vous m'entraînez, je cherche juste à dire qu'il ne sera pas le même pour tous, partout, et qu'il ne concernera pas, et qu'il concerne déjà bien des endroits de la planète, à vrai dire, si vous passez par là. En travaillant, par exemple, dans certains pays en Afrique, on peut le voir déjà, ou en Asie, à d'autres endroits. Donc il faut un peu, là aussi, sortir d'un point de vue européano-centré, du point de vue de ces effondrements divers qui nous attendent. Et puis ça pose beaucoup de questions de communication, puisque la suite de ce texte, avec par exemple Mon univers gratte, pose des questions de prononciation de ce qu'on peut se dire. Ah oui, j'avais fait venir comme ça en 2007 au ministère de l'Agriculture pour essayer, c'était un premier colloque sur l'esthétique et l'environnement, et des râpeurs, et ils étaient venus avec de la glace de l'Antarctique en train de fondre pour la râper. Et alors j'aime mieux vous dire que mes collègues du ministère n'ont pas tellement saisi la manière dont, effectivement, avec ce râp de glace, j'allais résoudre la question du changement climatique. À vrai dire, je ne l'ai pas saisi non plus. Et c'était il y a 13 ans, vous pensez que c'est plus clair maintenant ? Je ne suis pas sûre, non. Mais ça n'empêche pas de faire des jeux de mots. Et de gratter la glace. Et de gratter la glace. Les jeux de mots pourront nous quoi ? Qu'est-ce que vont faire les jeux de mots ? Qu'est-ce que vont faire ? Encore une fois, c'est une question d'imaginer des alternatives. Je pense que matérialiser l'alternative, c'est aussi jouer avec elle. La jouer. D'ailleurs, il y a un bon numéro là, qui est sorti sur matérialiser l'utopie. Je pense que la question... Un bon numéro de quoi ? D'un ouvrage, oui. Il faudra que... Et du coup, matérialiser l'utopie, ça pose la question de se déplacer en pensée, y compris par des jeux de mots, de ce que signifie penser l'ailleurs et penser un ailleurs qui soit un minimum désirable. Donc, travailler en jouant avec le langage, c'est se donner des opportunités de fuite. De fuite, de création surtout, enfin, de création d'alternatives. Remettre du sens là où il n'y en avait plus, dans un lien à la terre, dans un lien à la matérialité, à l'espace, c'est une façon aussi de recréer quelque chose qui n'était pas là avant. On dit d'ailleurs, les neurologues disent très bien qu'il faut créer des chemins de pensée, des chemins neurologiques. Par exemple, pour la douleur, on dit, si vous habituez à la douleur, le chemin neurologique sera toujours là pour la douleur, même s'il a... cause de la douleur a disparu. Pareil pour les membres fantômes. Bien de la même façon, pour arriver à penser l'alternative, il faut créer des chemins de pensée. Et ces chemins de pensée, ils passent notamment par des jeux de mots et des jeux symboliques. Dans le prochain numéro de Studio Cosmique, nous recevrons Pierre Meunier autour de la question « Pourquoi lutter contre la gravité ?» Est-ce que vous avez un conseil à lui donner ? Oh, comment lutter ? Non, le plus simple pour lutter contre la gravité... Il suffit d'emblée de l'accepter et de ne plus y penser. Il faut l'oublier. Il faut l'oublier ou ne pas y penser, parce que l'oublier, ça serait déjà y penser. Surtout la laisser aller, quoi. Merci beaucoup, Nathalie Blanc. Avant de complètement clore ce studio cosmique, nous tenons à remercier la Maison du Geste et de l'Image d'avoir accueilli ce deuxième numéro.